en vacances au Japon sur un terrain de camping. J'ai joué au ping-pong, c'était au Camping Point. On a fait griller des sushis sur le feu. On avait du riz jusque dans les cheveux. On a joué au baseball avec nos baguettes. Et on a fait du karaté en cassant nos assiettes. Oh, sale! En vacances au Japon, sur un terrain de camping. J'ai joué au ping-pong, c'était au Camping Point. On a mis nos kimonos et avant le dodo, on a fait du judo avec deux sumos. Ils étaient gros et un peu trop lourds. Y'en avait un qui venait de Singapour. 我不高兴. En vacances au Japon sur un terrain de camping. J'ai joué au ping-pong, c'était au Camping Point. Le Japon c'est une île et autour y a de l'eau. On s'est baigné, on a pêché, on a vu des bateaux. On a même voulu nager jusqu'à notre maison. Mais c'est si loin qu'on a décidé de prendre l'avion. En vacances au Japon, sur un terrain de camping. J'ai joué au ping-pong, c'était au Camping Point. C'était au Camping Point. C'était au Camping Point. Point, point.